je meurs. Les mines déterrées en ma paix. Un jour, je me suis fait une putain de gifle dans ma mère. Elle me voyait en train de faire ça, mais je comprenais pas. Je me vois encore en train de le. Tu rentres tout le temps et puis. Sur le goudron, c'est horrible, écrasé par les bagnoles. Bienvenue dans l'Ouest.